Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. Un dîner, c'est la dictature de l'apparence. On se fait beau, on rit, on raconte, on frime, on partage souvenirs et projets. Les angoisses sont cachées sous l'humour et les chagrins étouffés par les éclats de rire. Et pour quelques heures, on y croit. C'est ça le principal. Si on a le bon code et que l'on respecte les autres, cordialité, hypocrisie, bonne humeur, on risque de passer une bonne soirée. J'y arrive plus. Arrête, Alain. T'as choisi, tu soignes pas des varices, t'es cancérologue, tes patients meurent, voilà. Tu vas te faire bouffer avec un type comme ça, hein ? C'est un grand avocat. Tu t'es acheté une nouvelle robe ? C'est pas de ma faute. Papa vient dormir ici ce soir. Tu te démerdes, je veux pas le voir. On passe à table ? Alain, toi, en tant que médecin, tu dois la vérité. Mmh. C'est pas une dette, la vérité. Pardon, mais vous défendez principalement des ordures ? Je suis pénaliste. Seulement des ordures très connues. Moi, j'ai quelqu'un. Elle le sait ? Mais j'ai une réputation de salope que je ne mérite pas du tout. C'est pas les troncs qu'il faut lui ligaturer, elle, c'est les cordes vocales. Nous, on a des jumelles. Ah, les jumelles, c'est plus dur, non ? Surtout les vraies. Les nôtres sont fausses. Oui, il y en a une qui est très éveillée, l'autre complètement abrutie. Bah, comme ça, au moins, on les reconnaît. Hein. C'est partout ouais. Pareil, non ? À part chez le psy, à dîner, au boulot, on ment tous. On fait tous semblant d'aller bien. J'ai encore dit une bêtise ? Le code a changé ou quoi ? Le code a changé. Une comédie de Daniel Thompson avec Danny Boone, un DVD Studio Canal.